Chapitre 2. Me voilà de nouveau sur le pavé de Paris, n'ayant que 40 francs en poche et brouillé avec toutes les universités de France et de Navarre. De quel côté me tourner? Je ne suis plus le même homme. 8 mois de province m'ont transformé. J'avais vécu pendant 10 ans tel que l'ivrogne qui a peur de l'affaissement au lendemain de l'ivresse et qui reprend du poil de la bête, saute sur le vin blanc dès son lever et garde toujours une bouteille à portée de sa main qui tremble. Je me saoulais avec ma salive, et j'en étais le plus souvent pour mes frais de courage. Ceux-là même à qui je faisais l'aumône d'une gaieté qui cachait ma peine ou distrayait la leur, ceux-là, plutôt que de comprendre et de remercier, me traitaient d'auvergnat et de cruel. Pouilleux d'esprit! Lâche de cœur, qui ne voyait pas que je jetais de l'ironie sur les douleurs comme on mettrait un faux nez sur un cancer et que l'émotion me rongeait les entrailles tandis que j'étourdissais notre misère commune à coups de blagues ainsi que l'on crève un carreau à coups de poing pour avoir de l'air dans un étouffoir. C'était bien la peine de se ranger. Qu'ai-je fait depuis que je suis revenue de cette province? Je ne le sais plus. J'ai vécu à la façon d'une bête, comme là-bas, mais sans la joie du pâturage et de la litière. Vais-je descendre jusqu'au cimetière en ne faisant que me défendre contre la vie, sans sortir de l'ombre, sans avoir au moins une bataille au soleil? Tant pis, ils crieront à la trahison s'ils veulent. Je vais chercher à vendre 8 heures de mon temps par journée afin d'avoir avec la sécurité du pain la sérénité de l'esprit. Après tout, Arnould, qui est un honnête homme, est bien entré à la ville. Lisette, que j'ai rencontrée l'autre matin, me l'a dit. Voici qu'il faut faire apostiller ma demande. Encore un serment à fouler aux pieds. N'importe. J'ai été parjure en étant pion. Parjure je serai encore en allant mendier la signature de gens qui ont tenté de nous assassiner au 2 décembre. Misérable! Au lieu de gagner du terrain, j'en ai perdu, et je viens de me trouver des cheveux blancs. C'est fait. Un général de la garde, un libraire des Tuileries, un ancien proviseur de mon père ont donné chacun 2 lignes de recommandation. Elles ont suffi. Je viens d'être nommé auxiliaire à 100 francs par mois dans une mairie qui est au diable et qui a l'air d'une bicoque. J'y file, monte les escaliers et demande le chef de bureau. Un monsieur à lunettes un peu bossu me reçoit. C'est bien, vous serez aux naissances. Il me mène au bureau des déclarations et me confie à un employé qui me toise, me fait signe de m'asseoir et me demande si j'écris bien. Pas trop. Faites voir. Je plonge une plume dans l'encrier, je la plonge trop fort et en la retirant, j'éclabousse d'une tache énorme la page d'un grand registre que l'homme a devant lui. Il donne les signes du plus violent désespoir. C'est juste sur le nom. Il faut un renvoi. Il se jette à la fenêtre, se penche au dehors, fait des gestes, pousse des cris. Appelle-t-il au secours ? Sent-il venir l'apoplexie? Veut-il me faire arrêter? Qui lui répond? Est-ce le médecin? Le commissaire? Non, c'est un charbonnier, un marchand de vin et une sage-femme qui 5 secondes plus tard se précipite dans le bureau et demande avec effroi ce qu'il y a. Il n'y a que monsieur, que voilà, a débuté par envoyer une saloperie sur mon livre et qu'il faut maintenant que vous signiez tous en marge pour que l'enfant ait un état civil. Il se tourne vers moi avec fureur. Vous entendez? Un état civil! Savez-vous au moins ce que c'est? Oui, j'ai fait mon droit. J'aurais dû m'en douter. Et il ricane. Ils en sont tous là, les bacheliers. C'est la mort au registre. Encore des miaulements et un bruit de gros souliers. Encore une sage-femme, un charbonnier et un marchand de vin. Mon collègue me lance en plein danger. Interrogez vous-même la déclarante. De quelle façon vais-je m'y prendre? Que dois-je dire? Madame, vous venez pour un enfant? Il hausse les épaules, fait mine de jeter le manche après la cognée. Et pourquoi diable voulez-vous qu'elle vienne? Enfin, vous serez peut-être capable de constater. Assurez-vous du sexe. M'assurer du sexe? Et comment? Il rajuste ses lunettes et me fixe avec stupeur. Il semble se demander si je ne suis pas arriérée comme éducation et exagérée comme pudeur au point d'ignorer ce qui distingue les garçons des filles. J'indique par signe que je le sais bien. Il pousse un soupir d'aise et, s'adressant à la coucheuse, « Déshabillez l'enfant. Vous, monsieur, regardez. Mais de là-bas, vous ne voyez rien. Approchez donc. » C'est un garçon. Je vous crois, fait le père en se rengorgeant avec un coup d'œil au charbonnier. Me voilà nourrice, ou peu s'en faut. Je suis bien obligée par politesse d'aider un brin à ouvrir les langes, à retirer les épingles, à désemmailloter le moutard et à lui faire une petite chatouille sous le menton quand il crie trop fort. Heureusement, la pension en tétard m'a donné une manière et mon coup de main devient célèbre dans l'arrondissement autant que jadis mon tour de chemise. À moi le pompon! Ils ne sont guère forts, mes collègues, mais ce ne sont point de méchantes gens. Il n'y a pas en eux ce levain de fiel et de chagrin qui fermente chez les universitaires constamment jaloux, peureux, espionnés. Ils ne me font point sentir trop cruellement mon infériorité. Mon copain n'a pas rechigné ni ronchonné plus de 2 jours. Somme toute, que vous a-t-on enseigné au collège? Le latin? Mais c'est bon pour servir la messe. Apprenez donc plutôt à faire des jambages, des pleins et des déliés. Et il me donne des conseils pour la queue des lettres longues et pour la panse des lettres rondes. Nous restons même après la fermeture des bureaux pour soigner mon anglaise sur laquelle je suis sang et eau. Un jour, à travers la croisée, un ancien camarade m'a vu, de la bande des Républicains. « Tu faisais des émeutes autrefois, tu fais des majuscules maintenant ?»« Eh bien oui, mais mes majuscules faites, je suis libre, libre jusqu'au lendemain. J'ai ma soirée à moi, le rêve de toute ma vie, et je n'ai qu'à me lever aussi tôt que les ouvriers pour avoir encore 2 heures de frais de travail avant de venir vérifier le sexe des mioches. Je les démaillote, mais je me suis démaillotée aussi, et je pourrais montrer que je suis un homme à qui voudra regarder. » Enterrement Murger. J'ai demandé congé pour suivre le convoi d'un illustre. Je veux voir les célébrités qui accourront en foule. Je veux entendre aussi ce que l'on dira sur sa tombe. On a plus rardé, voilà tout. On a parlé d'une maîtresse et d'un toutou que le défunt aimait bien. On a jeté des roses sur sa mémoire, des fleurs dans le trou, de l'eau bénite sur le cercueil. Il croyait en Dieu ou était forcé de paraître y croire. Des pioupions aussi suivaient le cortège avec leurs fusils, le peloton des décorés. Il avait la croix. C'était comme une médaille d'aveugle, une contremarque de charité. On ne laisse pas crever de faim les légionnaires. Resté misérable, il avait dû nouer sa gloire comme une queue de cheval avec le ruban rouge. Je suis revenu songeur, et soudain, j'ai senti dans mes entrailles un tressaillement de colère. Il m'a fallu 8 jours encore pour comprendre ce qui remuait en moi. Un matin, je l'ai su. C'était mon livre, le fils de ma souffrance, qui avait donné signe de vie devant le cercueil du bohème enseveli en grande pompe et glorifié au cimetière après une vie sans bonheur et une agonie sans sérénité. À l'œuvre donc! Et vous allez voir ce que j'ai dans le ventre quand la famine n'y rôde pas, comme une main d'avorteuse qui, de ses ongles noirs, cherche à crever les ovaires. Moi qui suis sauvée, je vais faire l'histoire de ceux qui ne le sont pas, des gueux qui n'ont pas trouvé leur écuelle.